stars that show the way to you, they dance and shine a way that's true. The past has gone, and now it's you who dies for our sins. The jolly three wise men, they travel through nights and they come to give to you perfumes and gold, maybe all that you can hold. They're down on their knees and they're scratching their chins. You teach a man to fish but never to swim. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs ou presque. Et oui, ce soir, pas de générique, puisque c'est une émission un peu spéciale, ça sent un peu les boules de Noël et ça sent le sapin. C'est la dernière émission de la saison et traditionnellement, vous le savez dans The Rocks, ou vous ne le savez peut-être pas, eh bien je vous livre ma petite sélection des meilleurs albums ou des meilleurs morceaux ou des meilleurs moments de 2024 pour The Rocks. Alors c'est très subjectif, bien sûr, c'est très subjectif, mais je pense que vous allez vous y retrouver dans certains de mes choix. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'albums que je ne pourrais pas diffuser ce soir. Et parmi ma sélection, il y en a même qui vont pas rentrer dans l'heure et demie de l'émission, puisque vous retrouvez les Red Arc du sport ensuite, après l'émission On The Rocks. Eh bien, ce n'est pas grave, puisque sur le site ontherocks.net, eh bien, quand vous réécouterez l'émission, je mettrai l'intégralité des morceaux que j'avais envie de vous diffuser ce soir. Donc, best of de l'année 2024. J'avais l'impression, un peu en trompe-l'œil, que cette année 2024 avait été assez pas super riche, et alors quand je me suis replongé dans les archives de l'année dans The Rocks, eh bien je me suis vraiment giflé moi-même mentalement en me disant mais mon pauvre vieux, quelle bonne année ce fut. Et ce fut une bonne année qui commença assez sur les chapeaux de roue avec un album de Green Day qui est sorti, qui s'appelait Saviors. Et cet album de Green Day était un de leurs tout meilleurs depuis très très longtemps, peut-être même depuis American Idiot. Je sais pas si l'album a marché. Et d'ailleurs, on s'en fiche un peu dans The Rocks, vous le savez. Mais en tout cas, c'était vraiment un très très bon album. À l'instant, le morceau qui a ouvert l'émission, vous les avez peut-être reconnus, c'était Gaspard Royan, qui s'est encore fait un petit album de Noël, comme il y a 2-3 ans. Alors bon, c'est un peu triché, parce qu'il y a des morceaux qui étaient déjà sur l'album précédent. Mais en tout cas, il y a ce super duo, enfin trio on va dire, avec le super Omar et ce morceau Christmas and the Three Wise Men. On avait l'impression de faire un Noël à cheval avec un Stetson sur la tête. C'était vraiment très très bien. Donc on commence le best-of de cette année 2024 dans la pêche et la bonne humeur, un extrait du très bon album de Green Day qui est sorti au tout début de l'année il y a presque un an, 2024, et un extrait de cet album. L'album s'appelle donc Saviors et le morceau c'est Corvette Summer. Voilà, ça nous donne un petit rappel de ce qu'a été notre été, quoi. Ouais, voilà. I'm Ce soir dans The Rock, c'est le best-of de l'année 2024 et vous avez peut-être reconnu à l'instant Coolat Shaker. Eh bien oui, je suis grand fan de Coolat Shaker depuis des années. Eh bien, ils sont revenus avec un bel album, un peu boursouflé avec une ou deux fautes de goût dans cet album. Mais vraiment, vraiment, l'album mérite de figurer sur les plus hautes marches de mon année 2024. C'était Natural Magic, tiré de l'album du même nom de Coolat Shaker, et un morceau qui, moi, m'a bien fait me trémousser cette année. Et puis juste avant, c'était Green Day avec Corvette Summer. J'ai eu un double plaisir cette année en 2024 avec le groupe Nada Surf. Ils sont revenus avec un nouvel album, très bel album. Au début, je l'ai trouvé un peu lisse au niveau production, et puis en fait, les morceaux emportent tout. Sur scène, bah, ça le fait toujours aussi bien. La bande de Matthew Cause, ces Américains particulièrement francophiles. Eh bien, double plaisir puisque très bon album qui figure là, dans les meilleurs albums de 2024, en particulier avec ce single qui s'appelle In Front of Me Now, qui pour moi est une petite perle. Et puis, j'ai eu le plaisir d'interviewer donc Matthew, le chanteur de Nada Surf, pour le journal Libération, d'il y a quelques semaines, fin novembre. Eh bien, c'était une belle aventure, une double page avec mes questions et ses réponses dans Libération. C'était vraiment un plaisir. Et puis, si vous avez l'occasion, sur le site de Libé, ou si vous êtes allé choper ce numéro de Libé, d'aller lire cette interview, parce que Matthew est toujours très très intéressant dans ses réponses. Il a même été assez bavard, tellement bavard que normalement je devais faire une synthèse de cette interview pour Libé, et Libé a décidé de diffuser l'interview dans son intégralité dans sa version papier, ce qui a été un grand honneur pour moi. In Front of Me Now, c'est tiré de l'album Moon Mirror. Voici Nada Surf, qui décidément aura marqué mon année. C'est vrai que j'ai été un petit peu fâché à l'année 2024 avec la bande d'Eddie Vedder, Pearl Jam, parce qu'ils ne sont pas passés en concert en France. Et ben voilà, ils sont passés un peu partout, sauf en France, et ça c'était pas bien, parce que la dernière fois qu'ils étaient venus, ils avaient dit « on vous verra l'année prochaine, see you next year ». Et ben oui, moi t'as raison mon neveu. Et bien tant pis, l'album est bien quand même, celui de Pearl Jam qui est sorti en 2024, il s'appelle « Won't Tell ». Voilà, un peu gros, un peu boursouflé parfois, mais vraiment des très bons morceaux, comme ce « Dark Matter » qu'on vient de se passer avec ce final de guitare qui pourrait faire penser à du Cure enjoué. Voilà, c'est un très bon album de Pearl Jam, avec toujours cette joie de les retrouver. Alors c'est jamais aussi bien que sur scène, mais c'était quand même un des meilleurs albums de 2024, que voulez-vous, on ne se refait pas, car cette émission qui a 32 ans a démarré avec Pearl Jam, et depuis je ne les ai jamais abandonnés. Et puis Nada Surf avant avec In Front of Me. Now, on va continuer avec les guitares, ça va se calmer un petit peu dans The Rocks ensuite, mais il y a un groupe que j'avais un peu oublié, j'avais un peu laissé tomber, et en 2024, ils sont revenus très fort avec une tournée mondiale qu'a précédé un album, et que dis-je, un double album. C'est un groupe américain de frangins qui s'appelle Red Cross, et donc l'album qui s'appelle lui aussi Red Cross, qui est tout rouge, qui est sorti cet album, ce double album, qui est sorti cette année, pardon, ce double album est vraiment, vraiment très bien. Alors, pourquoi un double album? Jamais vraiment bien compris. C'est-à-dire que tous les morceaux, il n'y a pas deux ambiances, deux salles, deux ambiances. Hein. C'est un peu la continuité, un peu des morceaux sur le même tonneau qui suivent sur les deux albums. Mais c'est vraiment bien. Ça s'appelle Too Good To Be True. C'est un de mes morceaux favoris de cet album de Red Cross, qui pour moi est un des meilleurs albums à guitare de cette année 2024. Dans The Rocks, nous visitons les meilleurs moments musicaux de l'année 2024 qui s'achève bientôt. Et évidemment, il y a cette machine à tubes qui est le dernier album des Black Keys. Alors moi, je les préfère parfois un peu plus light, un peu plus soft. Mais c'est vrai que quand ils sortent la grosse artillerie, ils le font vraiment très bien. Dan Auerbach, d'ailleurs, on le retrouvera dans la sélection un petit peu plus tard en tant que producteur. This Is Nowhere, c'est le tube imparable, un des tubes imparables du dernier album des Black Keys qui est sorti cette année, qui s'appelle Ohio Players. Une version augmentée vient de sortir avec des petits duos. Vraiment, c'est sympathique. Et puis Red Cross avec Too Good To Be True, avec ces deux frangins et un groupe de frangins. On va encore en avoir un avec l'album des Lemon Twigs qui est sorti cette année. Ces deux brindilles, comme leur nom l'indique, sont deux frangins, effectivement, qui font vibrer ce groupe depuis quelques années. Et je crois qu'avec cet album, ils sont arrivés à une espèce de maîtrise et de maestria qu'ils n'avaient peut-être pas totalement sur les albums précédents, les Lemon Twigs. En particulier, ce morceau qui s'appelle My Golden Years, qui est vraiment un morceau vraiment vraiment savoureux et vraiment super, qui moi me fait beaucoup d'effet. Et je sais pas si ça vous fait ça de temps en temps, mais moi j'ai le souvenir de l'endroit exact où je l'ai découvert dans mon casque en marchant dans la ville. Je revois exactement le trajet dans cette ville que je ne connaissais pas avec mon casque sur les oreilles. Le temps de ce morceau, ça m'a marqué. My Golden Years, c'est tiré de l'album A Dream Is All I Know des Lemon Twigs. Tout l'album est pas aussi extraordinaire que ça, mais ce morceau-là, franchement, il est très très bien et c'est un de mes sommets de l'année 2024. Ce soir dans The Rock, c'est le best-of 2024 et puis vous êtes à la bonne place puisque vous venez d'entendre The Lemon Twigs avec My Golden Years et leurs harmonies vocales fantastiques. Et à l'instant, c'était à nouveau Dan Auerbach des Black Keys, mais cette fois en tant que producteur qui nous révéla cette année, en cette fin d'année, Jeremy Albino. On en a parlé dans un numéro de Quiche il y a quelques semaines avec Baby and It Cold Outside. C'est une bonne question. Jeremy Albino, donc, avec un album parfait pour l'été, je trouve. Puisqu'on est en train de parler des retrouvailles, on ne parlait pas du tout des retrouvailles, moi je vais vous en parler. Voici quelqu'un que j'aime d'amour et que je suis depuis bien longtemps dans The Rocks, parce que pour moi c'est un des artistes majeurs de notre hexagone. Et bien après une petite pause, une longue pause, une trop longue pause, il est revenu avec deux morceaux annonciateurs d'un EP, je crois. C'est Adam Wood avec son Rainy Valley. Je suis très très heureux de le retrouver et surtout le retrouver à un tel niveau. Ça fait partie de mes sommets de 2024. Écoutez-moi ça, c'est bon. Rainy valley sweet, you ease my mind from the battered garden. Bye bye life, it's treat. Your fancy lights and your walls of colors, but could we meet in our dreams and dance again in the living room, baby? You've been so lovely and sweet that I can't get you out of my mind. Hold spray your flowers now. Do I really need a fit without? Oh, rainy valley, you beast. You eat my mind like the underbed monster. Now I'm feeling like a child who lost his mind at the supermarket. But I won't. Come visit every night, baby. You've been so ugly and weird, but I can get you out of my mind. Hold climb a tower now. Do I really need to find someone? Cause I feel good in my body with bands and friends in my garden. Oh. mind and the light of my bed. Now I'm feeling like a child who fell in love for the very first time. All in good time, I gave it my best. I was alone till I found myself. Grew up to be a man, more or less. All in good time. All in good time, I drifted away. I ran my mouth till I had nothing to say. You broke my heart, and I was okay. All in good time. My losses like clouds in the sky. Finally picked on some of my sides. All in good time. All in good time, I followed my nose. Learned where to bleed when a knife comes to blows. Tried on your love, then I folded those clothes. All in good time. Throw your bread to falling birds. Friends and wasted words. Something wants to eat us all alive. All in good time, my angel came back. Paid us some money, but that didn't last. You wouldn't cry, but we couldn't laugh. All in good time. All in good time. Like a star, we closed our eyes and we opened our arms. And off the road, our own stolen car. All in good time. All in good time, and that's what it was. We took that cash and the mattress for love. Dropped all our weapons and shrank from the blood. Told the truth, all in good time. All in good time, our plan went to shit. I told my future by reading your lips. You wore my ring until it didn't fit. All in good time. All in good time, we suffered enough. Muscle when push came to shove. Swept all that broken glass under the rug. All in good time. Dancing till we both collapse. Wishing we could hide our tracks. Something wants to eat us all alive. All in good time. Goodbyes and our hellos again. Puff and we'll puff until they let us in. All in good time. All in good time, we'll land on our feet. Your mother will sigh and my soldier will sleep. We'll swim in the ocean, fishes set free. All in good time. We'll swim in the ocean. All in good time. Voilà un album qui m'a enchanté en cette année 2024, c'est celui de Iron and Wine. Alors on a l'impression qu'ils ont plusieurs, mais non, il est qu'un. Mais Ils sont plusieurs sur ce morceau, puisque c'est un duo avec Fiona Apple que j'étais très très heureux de retrouver également. Le morceau c'était All in Good Time. Je vous conseille tout l'album d'Iron and Wine qu'on s'est un peu diffusé dans l'année, mais qui est vraiment très très beau. Et juste avant c'était Adam Wood avec Rainy Valley. Il va nous donner des nouvelles de lui, Adam Wood, pendant l'année 2025. Et je serai aux premières loges pour vous les répercuter. On continue, et puisqu'on parlait d'Adam Wood, voici une artiste qu'il admire. Et il a repris un de ses morceaux et elle l'a écouté pendant cette année 2024 et elle a aimé cette reprise d'Adam Wood. J'ai eu le plaisir de l'interviewer. Pas énormément d'interviews dans The Rock cette année, mais alors celle-là, elle était belle. C'était Augusta, artiste vraiment plus que prometteuse, qui n'a sorti pour l'instant que des EP, mais quel EP ! Une guitare acoustique, une voix, de la folk absolument somptueuse. Le morceau, ça s'appelle The Birds, vous l'écoutez deux fois et vous l'avez déjà dans la tête. C'est un signe. Augusta dans The Rock, c'est un des grands, grands moments et une grande découverte pour moi de l'année 2024. Merci beaucoup Mathieu Dufaux pour m'avoir fait découvrir cet artiste. The birds of your eyes keep an eye on me. The sheets of your arms hold me close, help me sleep. Your feet are the light, and there's no doubt I follow what shines. Still I can't be cold out of darkness tonight. Won't you tell me it's alright again? This time I'll believe you and take it in. Give me strength, like only you know how. Oh no, don't let me stumble now. It's been years and you're still here. I feel your hand on my shoulder, fools me into thinking I'm closer than I am. Won't you tell me it's alright again? This time I'll believe you and take it in. This time I'll believe you and take it in. Resolute to stay. Help me be your last. There's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. From the noise, but I can't stand the sound. Silence is so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me. The rest of me behind, behind us, yeah. God knows I better be bringing the best of me this time, this time. Mon album préféré de cette année, cette fin d'année 2024, c'est le nouvel album de Michael Kiwanuka qui vient de sortir. Le morceau qu'on vient de se passer, c'était The Rest of Me. Tout l'album est magnifique, somptueux, apaisé, nocturne. Si vous voulez rouler la nuit et être enveloppé, là c'est parfait. L'album s'appelle Small Changes. Il y a parfois des solos de guitare qui font irruption comme il sait si bien les faire, et ça ressemble un peu à du Pink Floyd soudain. Et puis sinon, c'est du Marvin Gaye. C'est vraiment très très beau. Un très grand artiste et très grand album, peut-être son meilleur, celui qui vient de sortir, Michael Kiwanuka, Small Changes. Et juste avant, c'était Augusta avec The Birds. Alors, puisqu'on est dans les ambiances apaisées et les voix qui nous font des frissons, un des très très grands albums de cette année 2024, c'est celui de Cabane, l'album Brûlé, qui est sorti également au tout début de l'année 2024, où Thomas Van Cotton, l'ex-batteur de Vénus, a réuni un casting 3 étoiles, et en particulier sur ce morceau et sur quelques morceaux de cet album, Kate Stables. L'album s'appelle donc Brûlé, le morceau qu'on va se passer s'appelle Rome, et c'est tout magnifique, tout est absolument somptueux sur cet album. Tom Van Cotton ne chante pas, mais il compose, il joue de la guitare et il fait chanter sur ses morceaux. Album qui a fait l'unanimité dans la première édition de Quij. Je me souviens que Mathieu Malon, Sylvain Trémaux étaient particulièrement émus et emballés par cet album de Cabane. Vraiment un sommet, rien acheté. Voici donc le morceau Rome de cet album de Cabane qui figure, je pense, sur le podium. Now that we should leave, the strangest melody beneath the sky. Air is very still, and I can't find the words to make it right. Love is never cold, but we riot of memories that fill the room and whirl like leaves upon. Thank you. but we will cry for love. We'll cry for love. We'll cry for love. As long as we are free. Qui clôt l'album de 2024 d'Adrian Linker. Et la chanteuse de Bixi fait vraiment quel album et quelle chanteuse à chaque album qu'elle sort avec son groupe ou en solo. Et ben moi je suis assez enchanté. L'album s'appelle Bright Future, et vraiment c'est un album magnifique d'Adrian Linker. Cette voix ne peut pas laisser indifférent à mon avis, et ça fait partie des très grands moments de 2024. Et juste avant c'était la voix aussi magnifique de Kate Stables avec l'album de Cabane et Rome. Voici une voix que j'ai découvert cette année. Alors là, c'est grâce à Mishka Assayas sur France Inter, artiste que je ne connaissais pas, artiste canadien, qui s'appelle Mustapha, qui a sorti un album vraiment, vraiment magnifique, où il navigue entre ses origines arabes et Nick Drake, un peu. L'album s'appelle Dunia, le morceau qu'on va se passer, ça s'appelle Iman, une voix chaude, envoûtante, et pour moi, c'est une des très, très belles découvertes de cette année 2024 que cet album de Mustapha. Hoping that you're there, wearing the things you said on my face like they're a prayer. You left me on a tightrope between God and your father, and there's not enough there. I know that you can hold me, but just hold me in somewhere like you want me, like you lost me. Hold me, like you love me, like you cut me. Thank you. Voilà une très belle retrouvaille aussi de l'année 2024. C'est celle de Beth Gibbons qu'on vient d'entendre à l'instant avec ce morceau fantastique qui s'appelle Floating on a Moment. Vraiment un moment suspendu, tiré de l'album Live Outrun. Alors, j'ai été un petit peu déçu par cet album. Alors, voilà, je peux le dire. Il n'est, à mon avis, il n'atteint pas les sommets. Alors, c'est un très bel album. Le dernier morceau de l'album est très beau. Mais il n'atteint pas les sommets prometteurs de ce premier single, Floating on a Moment, qui lui, vraiment, est magnifique. Et puis, juste avant, c'était Mustapha avec Iman, tiré de l'album Dunia. Et là, tout l'album est bon. Voilà un autre album où presque tout est bon, peut-être à part un morceau un peu discutable. C'est celui qu'on n'attendait plus de The Cure. On en a longuement parlé dans la dernière édition de Quij, ici même, avec ma brochette de super-héros de la chronique musicale. Eh bien oui, l'album de The Cure est vraiment très très beau. Il s'appelle Songs of a Lost World, et c'est vraiment vraiment un album majeur de Cure. On l'attendait plus. Pour moi, c'est leur meilleur album depuis Disintegration. On va se passer le morceau qui ouvre l'album et qui était annonciateur et qui, moi, m'avait fait un gros, gros effet avec cette longue intro un peu sèche et cette voix de Robert Smith qui jaillit au bout de quelques minutes et qui vraiment nous replonge en arrière. Et autant lui, physiquement, ça a vieilli un peu, autant sa voix est restée absolument intacte. Voici un des grands, grands moments de cette année 2024. C'est l'album de The Cure. Voici le morceau Alone et que je dédie à Duduche, fidèle, fidèle auditrice parmi les fidèles. once upon a time, a wild god zoo. All through his memory, in which he was into. It was rape and pillage in the retirement village. But in his mind, he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair. And the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, star. And the wild god says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. Bring your spirit down. Sweet, sweet tears of liberty. Yeah. C'était Nick Cave à l'instant, Nick Cave and the Bad Seeds, évidemment tiré de leur magnifique album qui est sorti en 2024, une sorte de renaissance également pour lui après ses albums de deuil particulièrement émouvants et parfois éprouvants également à l'écoute. L'album s'appelle Wild God, il est vraiment très très beau, c'était le morceau Wild God d'ailleurs, assez grandiloquent, enfin grandiloquent, comme je le disais, on a l'impression qu'il y a un final à chaque morceau, donc... écouter par fraction, c'est vraiment pas mal. Et puis juste avant, c'était The Cure avec le morceau Alone tiré de Songs of a Lost World. Cette dernière émission de l'année 2024 va bientôt se terminer, mais j'en ai pas fini, en direct en tout cas, mais je n'en ai pas fini avec les morceaux qui vont terminer cette émission sur le site en réécoute, puisque je vais pouvoir en mettre un petit peu plus, il y a un petit peu plus de temps et un peu plus de place sur le site, car il y a eu beaucoup, beaucoup de bien beaux albums dont on n'a pas parlé ce soir. Alors là, on va se terminer l'émission en direct avec un petit morceau assez ancien d'un artiste que j'aimais beaucoup, qui ça fait un moment qu'il n'a rien sorti, il s'appelle Ron Sexsmith, avec vraiment une beauté, une pureté dans ses morceaux. Le morceau, ça va être Maybe This Christmas, cette saison. Et puis, on terminera là-dessus pour l'émission en direct. Mais ensuite, sur le site, vous allez pouvoir écouter Ad Libitum cette fin d'émission avec les morceaux que je n'ai pas eu le temps mais qui font partie pourtant des grands grands morceaux de l'année 2024. Alors vous aurez ensuite après ce morceau, mais je ne parlerai plus, donc je vais tout annoncer maintenant. Après ce morceau de Ron Sexsmith, il y aura un extrait de l'album de Hills, qui est un très bon album de Hills qui est sorti cette année. Le morceau s'appelle Time, l'album aussi vraiment ça fait partie des meilleurs albums de Hills. Ensuite Garcia Phone avec Better and Better, un morceau qui m'a obsédé pendant quelques semaines, très très bel album assez folk de ce chanteur français qui revient en grande forme. Garcia Phone donc avec Better and Better, Hills, Garcia Phone. Ensuite vous aurez David Feknam, on a eu plaisir à retrouver l'ami David pour cette année, d'abord derrière aux batteries et un peu à la guitare derrière Mathieu Malon sur scène, et puis bien sûr avec son album solo qu'il a sorti avec le morceau I Will Follow qu'on se rediffusera. Et puisqu'on parle de Mathieu Malon, très bon album de Mathieu qui est sorti avec ce morceau imparable qui s'appelle C'est bien parce que c'est toi, qu'on se diffuse aussi ce soir, aujourd'hui, en tout cas à la suite de cette émission. Mathieu Malon donc fait partie des grands moments de 2024. Vous aurez donc Hills, Garcia Phone, David Feknam, Mathieu Malon. Et puis il y aura Ray La Montagne pour quasiment clôturer cette émission avec un bel album où il revient à des choses assez basiques, assez simples comme il sait les faire, mais surtout avec cette voix magnifique. Il y a un morceau, celui qui ouvre l'album, qui est assez soul, c'est celui-là qu'on va se passer. Il s'appelle Step Into Your Power. J'ai été témoin dans un supermarché la dernière fois, ils l'ont passé dans un supermarché et je voyais tous les gens qui, sans s'en rendre compte, se dandinaient sur place aux caisses des supermarchés. C'est plutôt bon signe quand ça rentre directement dans les oreilles comme ça. Et puis on terminera avec cette rétrospective de 2024 avec un extrait du dernier album de Father John Misty qui s'appelle I Guess Time Just Makes Fools of Us All, c'est le nom du morceau. L'album est bien inégal, mais en tout cas ce morceau qui dure plus de 8 minutes est fantastique. Et puis on clôturera vraiment vraiment cette émission avec une nouveauté, c'est En Attendant Anna, qui est un groupe français, parisien si je ne m'abuse, qui reprend ce morceau classique qui avait été repris par Christy McCall et les Pogues, ce morceau de Noël. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année 2024, nous reviendrons en 2025 avec des battles avec Sylvain Trémo, avec le groupe Quinks qui viendra dans les studios ici même, sûrement une nouvelle édition de Quij, enfin, en tout cas, plein de bonnes choses à venir. Peut-être une émission spéciale Astrolab. Plein de belles choses à venir en début 2025 dans On The Rocks. Donc, je vous attends et on clôture cette émission en direct, mais pas l'émission totale sur le site, vous l'avez compris, avec ce petit Ron Sexsmith. Bye bye, bonne année à tous, bonne fête et à très bientôt. C'était Manu et c'était On The Rocks. Maybe this Christmas will mean something more. Maybe this year, love will appear deeper than ever before. And maybe forgiveness will ask us to call someone we love, someone we've lost, for reasons we can't quite recall. Maybe this Christmas. Maybe there'll be an open door. Maybe the star that shone before will shine once more. Christmas will find us at last in heavenly peace, grateful at least for the love we've been shown in the past. Oh, maybe this Christmas.